mettez votre merde partout. On enlève jusqu'au cou. Qu'on soit au bas riche ou sans un sou, on en a partout. Comme ça que marche le monde. Maintenant qu'on a compris, y a plus qu'une chose à faire. Juste tout changer. Mais demain. Tu te prostères.